sont partis sur les routes des Monédières, bordées de bruyères, de chênes d'or. Sur tout le parcours, la foule vibre, chaque passage, la lutte fait rage, il y a du sport. Les favoris sont déchaînés, ils mènent la danse, et la cadence augmente encore. À l'arrivée, quel enthousiasme, quelle ambiance. Une fois de plus, un très coureur a vaincu. Paul d'art des Monédières, tu roules pour les champions. Qui roule devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Paul d'art des Monédières, salle des grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas un dédié. Vous avez la confirmation que nous sommes bien au bol d'or des Monédières, le gala de l'accordéon. Et on continue cette émission sur le 91-102.5 sur GFM, la radio la plus proche de chez vous. Vous êtes en compagnie de Guido.

c'est une petite danse traditionnelle à laquelle vous ne pouvez échapper. Non, vous ne pouvez pas y échapper. Quand on dit valse, eh bien, c'est la valse, et c'est la valse qui prime, c'est la valse qui tourbillonne, c'est la valse qui valse. Thank you. Et oui, ça mérite bien des applaudissements. Ça mérite bien des applaudissements parce que des slows tels que celui-ci à l'accordéon où les doigts, on les ressent et on les voit, ça fait chaud au cœur. Laissons le cha-cha-cha et attaquons tout simplement une marche. Et oui, nous sommes au bal, faut pas l'oublier. Au bol des monédières, s'il vous plaît. Chez nous, sans avoir rendez-vous, la porte s'ouvre à toute heure, même parfois celle du cœur. On vous accueille comme ça, allez, Shabbat entra. Et bienvenue chez nous, et finissez d'entrer. On m'appelle Baptistou, et tout le monde me connaît. Allez, asseyez-vous, et qu'est-ce que vous prenez? Une petite poire de chez nous, ou une tasse de café? Les voisins, les amis, oui, gamin qu'on était, sans culotte ni souci. Hey! faut repartir. On se dit à bientôt sur un dernier sourire. On repart en photo, on gardera toujours paroles de troubadour, ces deux mots en patois à l'échappat d'entrain. Après son boulot, aime à faire l'apéro. Ce n'est pas un sous-lot, mais pour lui taux zéro. C'est juste un de ces mots qui rime avec perdo. Et Pierrot, doucement dans le tempo. Tu sais quand t'en bois trop, t'es même plus rigolo. Fais gaffe à ta de chevaux et aussi à Cruchot. Le permis te le faut, sinon c'est à vélo. Petit verre au comptoir, c'est toujours bon. Oui, enfin, à l'apéro, faut y aller un peu mollo, hein, parce que il faudrait voir, savoir se retenir malgré tout. À consommer, bien sûr, avec modération. Allez. Thank you. ça fait du bien. Eh oui, ça fait du bien. Bésame mucho et sole mio. Voilà, voilà de quoi passer un bon moment à l'écoute de votre radio locale Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. On enchaîne, et on y va, et on tourne, et on marche, et on danse sur le 91 102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, et on vous aime. Thank you. Java, Pazzo, et c'est terminé pour cette partie de l'émission. Et après, nous verrons. Qu'est-ce qui vous met le toquant dans tous ces états et qui dérouille les rotules avec les tibias? C'est pas le tango, la valse viennoise ou la mazurka, ni le boston, le slocker à cœur, ni même la rumba. Si vous voulez partager un moment super comme le faisait Casque d'or ou des devants verts, ne cherchez pas, allez-y à petit pas. Je n'y peux rien les gars, oui car j'ai malgré moi le virus de Java. Le virus c'est Pascal qui l'a eu dès la naissance. Qu'est-ce qui vous met de camp dans tous ces états et qui dérouille les rotules avec les tibias? C'est pas le tango, la valse viennoise ou la mazurka, ni le boston, le slocker à cœur, ni même la rumba. Si vous voulez partager un moment super comme le faisait Casque d'or ou des dents verts, ne cherchez pas, allez-y un petit peu. Je n'y peux rien, les gars, oui, car j'ai mal les mains, le virus, la java.